Restez avec nous après la pause des chroniques de mardi et mercredi à CNX.zip. Vous écoutez toujours CNX.zip, l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX d'Assemblage Requis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. On continue tout de suite, voici la chronique de mardi. Mardi. On commence avec un pilote de NASCAR qui tweetait pendant une course automobile, François. Ben non, ouais, je te jure. Brad Keselowski, un pilote de NASCAR, a mis en place une méthode pour gagner des followers, donc des suiveurs, là, à faire pâlir plus d'un adepte du Web 2.0. En postant une photographie peu avant un accident pendant le Daytona 500, plus de 100 000 nouveaux abonnés ont rejoint son compte Twitter. En publiant une photographie des voitures concurrentes en pleine course de NASCAR, le pilote Brad Keselowski a fait le plein de followers durant une manche du championnat baptisé Daytona 500. Un accident puis un incendie gigantesque ont arrêté la course durant plusieurs minutes. Pendant cet intermède, la plupart des spectateurs ont eu le loisir de consulter le compte du pilote, qui est en passant situé au twitter.com/Keselowski. Hein, bonne chance. K-E-S-E-L-O-W-S-K-I. Et sa photo prise juste avant l'accident dans l'habitacle de son véhicule, le Dodge Charger. Résultat des courses, avant de poster sa photo, cet Américain disposait de 85 000 abonnés à son compte. Suite à cette publication, le pilote a gagné plus de 100 000 followers, dont la majorité se demande comment Keselowski a pu publier ce cliché pendant la course. Ce dernier n'a pas donné d'explication sur sa méthode pour poster ses messages ou s'il utilisait réellement son propre smartphone. Le pilote a utilisé plusieurs fois son compte pendant la compétition en republiant certains messages de ses fans. Par contre, il n'a malheureusement pas terminé la course, victime d'un accrochage avec un concurrent. L'histoire ne dit pas s'il utilisait son téléphone tout en conduisant. Non, mais là, ça va loin, là. Ouais. Même si t'as une... Mettons que t'as une application de message, de SMS ou de Twitter vraiment rapide, que t'as juste un bouton à appuyer, c'est quand même... Faut que tu ouvres l'application. C'est pas... Mettons qu'elle est déjà ouverte. C'est quand même prendre ton téléphone, pointer et cliquer. Pendant que tu conduis un char. Non, ça soit... Puis il roule vite, là. Ça va très, très, très, très, très, très, très vite, ces affaires-là. Non, vraiment une très mauvaise idée. Même s'il y a eu, il y a eu 100 000 suivis de plus, je crois que ça vaut pas la peine. Maintenant, parlons de notre sujet préféré à tout le monde, Playboy. Mm-hmm. Qui dévoile un concept de club dans l'espace. Ouais. Oui, Playboy, en partenariat avec Virgin Galactic, envisage de se lancer à la conquête de l'espace. La célèbre firme Coquine au lapin blanc a dévoilé un concept de Playboy Club digne d'un film de science-fiction. Selon Clubic.com, les Bunny Girls s'envoleront bientôt vers d'autres sphères. C'est visiblement ce que voudrait la firme de Hugh Hefner, qui vient de présenter un concept de club situé dans l'espace. Le projet mis en image par Thomas Tenery sera détaillé dans le numéro de Playboy à paraître cette semaine, mais quelques images ont fait leur apparition sur le site Space.com. On y découvre une station spatiale privée mettant en avant-plan plusieurs zones distinctes, comme une salle de jeu avec des roulettes humaines, okay. Une piste de danse en apesanteur, ou encore un restaurant gastronomique où les célèbres serveuses serviraient les clients en se déplaçant à l'aide de jetpack. Ça donne envie. C'est beau dans leur tête. Certes, le projet est aujourd'hui totalement conceptuel, mais Playboy n'a rien laissé au hasard et a travaillé avec des scientifiques et des employés de Virgin Galactic pour réfléchir à cette installation. L'entreprise de Sir Richard Branson recherche actuellement à devenir le premier service de voyage privé dans l'espace. Les premiers billets sont actuellement proposés au prix de 200 000 $ et pour ce prix, il serait intéressant d'avoir une destination, nous dit-on. Il faudra bien évidemment attendre de nombreuses années encore pour voir ce type de station spatiale graviter en orbite autour de la Terre, mais ce genre de projet devient finalement de moins en moins fou au fur et à mesure que l'homme s'approche des étoiles, à condition d'avoir le portefeuille assez gars. Quelle belle idée. Facebook a fait face, en fait, semaine passée, à une nouvelle polémique au cœur de laquelle le réseau social était soupçonné de pouvoir accéder et lire le contenu des SMS des utilisateurs mobiles de ses applications. Une rumeur qui a démenti Facebook, la qualifiant de complètement fausse. La rumeur est partie d'un article du London Sunday Times. Le quotidien britannique laissait entendre que Facebook, qui teste actuellement un nouveau service de messagerie sur téléphone mobile, pourrait accéder aux SMS des MobiNotes, les stocker sur ses serveurs et donc les lire. Une accusation à laquelle le réseau social s'est empressé de répondre, expliquant que l'accès aux SMS d'un téléphone mobile n'est rien d'autre qu'une autorisation parmi tant d'autres de l'Android Market. Je cite, « L'autorisation est clairement indiquée sur les apps de l'Android Market et c'est en prévision de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux utilisateurs de bénéficier de nouvelles fonctionnalités avec Facebook et leur SMS. » Bon, ça, c'est un porte-parole de Facebook qui a dit ça. Toutefois, à l'exception d'essais très limités, nous n'avons encore rien lancé qui exploite cette permission. Donc, c'est pour le futur. En somme, le réseau social se défend aujourd'hui d'exploiter les SMS des MobiNotes, mais indique tout de même avoir certains projets dans ce sens-là. C'est pas limité à Facebook non plus. Si le réseau social aux 850 millions de comptes s'est retrouvé au cœur d'une polémique à ce sujet, ce n'est pas la seule application à afficher des permissions d'accès intrusives. Le Sunday Times a fait la vérification pour 50 applications issues de grands groupes comme Yahoo, YouTube, Flickr ou TweetDeck et a constaté que l'accès aux SMS, aux vidéos et aux photos de l'utilisateur faisait souvent partie de la liste des permissions qu'accepte l'utilisateur au moment de télécharger l'application. Évidemment, le texte que personne lit. Ouais. Une situation souvent mal connue par les MobiNotes qui, comme le rappelle Fox News, hein, les très célèbres Fox News et très crédibles, en citant une étude de YouGov, ne lise pas les politiques de confidentialité des applications dans 70% des cas. C'est beaucoup, 70%, c'est presque 7 personnes sur 10, ah ouais. Plus ou moins. Tu sais, c'est quelque chose. Le Congrès mondial de la téléphonie mobile ouvre ses portes à Barcelone. Donc, le Congrès mondial de la téléphonie mobile s'est ouvert lundi dernier à Barcelone. Donc, ça, c'était hier pour nous. Pour 4 jours, en présence des acteurs de télécom, d'équipementiers, de fabricants de téléphones, mais aussi de l'Internet, tels Google et Microsoft. Avant le coup d'envoi officiel de ce congrès annuel très attendu par le secteur, les fabricants LG, HTC et Sony, ainsi que l'équipementier Huawei, ont dévoilé les nouveautés en termes de téléphones intelligents qui servent autant à téléphoner qu'à aller sur Internet. Le Sud-Coréen LG, troisième producteur mondial de téléphones mobiles, a présenté un téléphone intelligent dont le très grand écran... Grand écran. Belle liaison ici. Le rapproche du format des tablettes. C'est l'Optimus View, donc une tablette téléphone. Donc vraiment, tu téléphones avec tes deux mains finalement pour tenir ta tablette sur le bord de ton... non, ça va pas très bien. Les fabricants de téléphones mobiles chinois Huawei, là, le sud-coréen LG et le taïwanais HTC ont choisi de présenter leur premier modèle équipé de processeurs Quadricœur. Mais t'as pas vu, on est rendu loin. C'est de l'avancée technologique, ce qui devrait leur permettre d'être 2 fois plus rapide que la moyenne du marché. Quant au fabricant japonais Sony Mobile, les anciens Sony Ericsson, ils ont présenté, ou peu importe le singulier ou le pluriel ici, il a présenté deux nouveaux modèles de sa gamme Xperia axés sur les contenus médias du groupe diversifié, notamment les jeux PlayStation. L'annonce la plus attendue reste celle du nouveau téléphone du finlandais Nokia, muni du système d'exploitation Windows Phone Microsoft. Le géant américain devrait également lancer lors de ce congrès la version bêta, donc test de Windows 8, qui devrait être largement dédiée à l'utilisation en mobilité. C'est l'affaire avec les tuiles. Les tuiles. Comme dans ta salle de bain, mais c'est ton ordi. Bon. Boop, boop, boop, boop. Ding. Allez voir les articles sur assemblagerequis.com. On parle de plein d'affaires sur les téléphones cellulaires. Dernière nouvelle de jeux vidéo maintenant. L'inventeur du pinball, malheureusement, est mort à l'âge de 100 ans. Le New York Times nous apprend la mort de Steve Kordek, l'homme considéré comme étant l'inventeur des machines à pinball. Son décès serait survenu le 19 février dernier. Il avait 100 ans. Pendant sa carrière, il a d'abord créé la première machine à pinball utilisant deux flippers au lieu de six. Il a ensuite raffiné sa création avec plusieurs innovations. Son premier jeu Triple Action a fait ses débuts en 1948. Okay. Sa dernière création était Vacation America, qui date de 2003. Allez voir l'article sur le site du New York Times, le lien sur assemblagerequis.com. Mais l'inventeur du pinball, je veux dire, c'est lui qui a fait qu'à un moment donné... C'est comme les racines du Pong et ensuite des jeux vidéo. Donc, ça a quand même un lien avec les jeux vidéo. C'est triste. Et on a deux petits trucs trouvés sur Internet. Pourquoi pas? Commençons avec une construction de papier carton, mais en stop motion. C'est du papier de construction. C'est le papier de construction, on s'appelle tous. Du carton mou, un peu. De couleur. Exactement. Donc, ça a pris 12 000 feuilles de papier construction, pour être plus précis. C'est une vidéo de Josh Ritter pour Love is Making Its Way Back Home. Vous pouvez aller voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Ça a dû prendre extrêmement du temps. Avec les jeux d'ombrage qu'il y a là-dedans, de profondeur, de différentes couches, c'est vraiment beau. On voit entre autres un gars en voiture avec ses wipers. Non. En train de passer devant un orignal. Non, mais pas vrai. C'est super beau, rempli de couleurs, c'est vraiment le fun. Donc c'est assemblagerequis.com. Et tu connais Quentin Tarantino, ouais, le réalisateur de films. Il a une marque de commerce dans ses films, c'est de prendre des images de par en dessous. Donc, par exemple, bon, les gens vont ouvrir une valise d'auto et la caméra va être située en dessous. Tu vas voir, tu vas être comme dans la valise. Ouais. C'est quelque chose qu'il fait très, très souvent dans ses films. Donc, il y a une supercut. Hein, on en parle souvent ici dans CNX, des supercuts. C'est donc le gars qui s'appelle Kogo Gnada qui a pris chaque point de vue d'en dessous dans les films de Quentin Tarantino. Il a fait une supercut de 1 minute 36. C'est quelque chose. C'est beau. Tarantino from below. C'est ce qu'on appelle dans le domaine les trunk shots. Okay. Donc, c'est des prises de vue à la dans une valise de char, si on veut. Donc, assemblagerequis.com pour la vidéo. Et encore une fois, on va avoir une autre chronique un autre jour. Yeah, cool. C'est nice. Pas de chiptune. Merci, Mathieu. Oh, pas de chiptune. Doublement merci, Mathieu. Doublement merci, Mathieu. Dash.com. Mercredi. Toi et moi, on va affronter la réalité geek. Et les chiptunes! Et les chiptunes! L'armée de chiptunes! Pauvre toi! On commence par des produits Apple dans cette chronique CNX d'aujourd'hui. Oui, en fait. Ben oui, ben le géant américain a convoqué la presse mercredi prochain, le 7 mars, à San Francisco. Une image sur le carton d'invitation montre le coin de l'écran d'une tablette iPad, ce qui laisse croire qu'un nouveau modèle sera dévoilé. iPad 3. Les rumeurs courent depuis longtemps et là, à la place de vraiment garder le suspense jusqu'à la dernière minute, ils ont mis un iPad sur le carton. Je pense que ça veut pas mal tout dire. Ouais. Mais ils annonçaient pas tous leurs produits en même temps, eux autres? Non, c'est ça. Ça dépend. Ça dépend. En fait, ça a changé. Ça a changé récemment. L'iPhone et l'iPod Touch étaient dévoilés ensemble à l'automne depuis l'année passée ou l'autre avant, quelque chose de genre. Les MacBook Pro, c'est un autre moment de l'année. Ça dépend. Donc, le lancement de la troisième version du iPad est attendu depuis un bon moment au fur et à mesure qu'approche l'anniversaire du lancement du iPad 2. Donc, les journalistes ont été convoqués au Yerba Buena Center pour for the Arts Buena. Theater. C'est ça? Hein, comment t'as dit? Yerba Buena Center for the Arts Theater, que Apple utilise depuis plusieurs années pour ses lancements les plus importants. On peut déduire que la rumeur d'un iPad 3 à écran Retina Display est fondée. Donc, Retina Display, c'est l'affichage type iPhone 4 et iPhone 4S. L'écran très, très clair et tu vois aucunement les pixels. Comme un peu du HD. C'est comme du HD, si on veut. Donc, autre détail révélé par l'invitation, il n'y avait pas de bouton présent sur la bordure inférieure de l'appareil, ce qui pourrait signifier, selon certaines rumeurs, qu'Apple délaisserait totalement les touches physiques pour la prochaine génération d'appareils iOS. Évidemment, le carton qui est sur l'article sur assemblagerequis.com montre les icônes, le dock, si on veut, les icônes en bas de l'iPad. Mais évidemment, tu peux tourner ton iPad sur le côté, contrairement à iPhone. Ben, tu peux tourner ton iPhone sur le côté, ouais. Mais tes icônes ne changeront pas de position. Alors que sur l'iPad, quand tu le vires, les icônes prennent la forme horizontale. Donc, peut-être que ce qu'on voit, c'est le côté, entre guillemets, de l'iPad. Ouais, mais c'est pas une révolution, on s'entend. Ouais, mais on s'entend que les rumeurs qui disent qu'il n'y a pas de bouton, c'est parce que peut-être qu'ils regardent juste pas le bon côté de l'iPad. Tu comprends-tu? Parce que on voit l'iPad de très, très, très près. On voit juste une icône qui dit genre 7 mars sur l'icône calendrier dans le dock. Puis on voit la bordure d'un iPad, mais ça peut ne pas être la bordure où il y a le bouton. Ça peut être l'autre côté. Fait que les rumeurs de pas de bouton, c'est un peu tiré par les cheveux. Ça pourrait être vrai, mais c'est pas nécessaire. C'est quoi la rumeur de pas de bouton? Tu me suis pas pantoute. Ben, j'ai pas l'air à comprendre. C'est un carton d'invitation, ouais. François. Ouais, on monte un iPad, OK? Ouais. On met de très, très près, OK? Ouais. Avec le dock en bas, là, les icônes, OK? Et il y a pas de bouton rond. Ah, OK. OK, ouais, je comprends. Le bouton iPhone, ouais, ou iPad. Mais c'est ça, mais c'est pas une révolution dans le sens où tu peux la bouger et changer de place, mais tu sais. C'est tout? Ouais, mais c'est que tu pourrais. Il y aurait une autre façon de retourner à l'accueil. Il n'y aurait plus de bouton physique. Ce serait la première fois qu'un appareil Apple n'a plus de bouton physique sur son appareil sur la surface. Okay. Non, je comprends, mais je pensais que tu disais juste que la barre était genre changée de place. Non, non, c'est ça. Je viens que c'est une rumeur qui vient de nulle part. Tu sais, genre. Ouais. Parce que c'est pas fondé. Le carton ne montre qu'un. Quelques pouces sur la. Est-ce que tu vois le carton? Ouais, je le vois. D'accord, voilà. Il est sur assemblagerequis.com d'ailleurs. On dit qu'on pourrait s'imaginer que ça présage également un système logiciel qui sera non seulement prêt pour un iPad 3 et un iPhone 5, mais également pour une éventuelle iTV qui sera de taille un petit peu plus généreuse. Sous le capot, les sources de nombreux sites d'information allant de Bloomberg à CNBC mentionnent qu'un nouveau processeur à 4 cœurs pourrait animer la nouvelle tablette. D'autres parlent de processeur double cœur un peu plus performant. Les deux pourraient s'avérer si on suit à la prévision de certains analystes et qu'Apple décide de tripler l'offre dans ce marché que l'iPad domine déjà largement. iPad 2, un iPad 2S à double cœur ou un iPad 3 quadricœur écran et Retina Display. Donc, les rumeurs courent de partout. Est-ce que ce sera un iPad 2S? Ce serait décevant. 2S, je pense pas. Je penserais pas moi non plus. En tout cas, à moins que, mais tu sais, c'est ça. Il y avait un antécédent dans les iPhones d'avoir fait un 3 et ensuite un 3S, alors que dans les iPads, on a fait iPad 1, 2 et là, on pourrait logiquement aller à 3. Mais tu sais, si tu as créé un précédent du côté iPhone, tu peux le transporter du côté iPad aussi. On ne sait pas en ce moment. On ne sait pas ça. 7 mars, c'est la date. C'est mercredi prochain. Le constructeur Mercedes pousse encore plus loin son intégration du iPhone dans la nouvelle Mercedes Classe A, la voiture d'entrée de gamme de la marque. Oui, Mercedes, c'est des voitures d'entrée de gamme. Il sera toujours possible de connecter directement son téléphone au système central de la voiture, mais en plus, l'écran de celui-ci se transportera sur l'écran principal du véhicule avec les commandes directement sur le volant. De plus, l'assistant vocal Siri, tu te rappelles Siri, c'est celui que tu peux dire genre écris un message texte, ça fonctionne bien. Fera partie des commandes du volant. Il sera donc possible de poser des questions et de donner des commandes à Siri en utilisant les micros ambiants de la voiture. Donc, pour vérifier la météo, connaître le cours de la bourse, choisir de la musique, naviguer sur les réseaux sociaux, genre lis mon Twitter, tu sais. Hey, lis mon Twitter, Siri. Ou lis pas mon Twitter, s'il te plaît. Ouais, ça fait comme moi et ne lis pas mon Twitter. Le service d'assistance a toutefois besoin d'une connexion Internet pour fonctionner, ce qui pourrait causer des problèmes en mouvement. Sûrement qu'il va falloir payer un abonnement par mois. Mercedes est le premier constructeur automobile à prendre en charge complètement l'iPhone, principalement l'iPhone 4S. Les nouvelles fonctions du constructeur allemand seront présentées lors du Salon de l'automobile de Genève du 8 au 18 mars. La marque souhaite intégrer dès l'automne le nouveau service aux classes B, C et E. Il sera alors disponible dès le printemps pour la classe A. Donc ça va faire A, B, C, E. Où est le D? Non. Où est le D? Mozilla, l'organisme sans but lucratif qui développe notamment le navigateur web Firefox et le logiciel de courriel Thunderbird. C'est l'organisme non lucratif? Oui. Oh, c'est bien. Non, je savais pas. Ils ont décidé de s'attaquer au marché du téléphone intelligent et de développer un système d'exploitation à code ouvert pour concurrencer Windows Phone, iOS et Android. Baptisé Boot to Gecko, le projet vise un objectif pour le moins ambitieux, livrer un téléphone intelligent 10 fois moins cher qu'un iPhone en renversant la tendance vers les écosystèmes d'applications fermées. Vous savez, à Apple, tout est très, très mis en boîte. C'est très, très ferme. Mm. Toutes les fonctions de téléphone Gecko, y compris la téléphonie et la messagerie, seront basées sur des serveurs web plutôt que sur des applications propriétaires, ce qui réduira dramatiquement la puissance du calcul, la mémoire vive et l'espace de stockage requis sur le téléphone lui-même. La compagnie espagnole Telefónica pourrait lancer un premier modèle de téléphone basé sur Gecko d'ici 6 à 8 mois, à un prix qui pourrait être inférieur à 100 $. Le marché visé serait celui de l'Amérique latine, où le taux de pénétration des téléphones intelligents actuels est faible à cause de leur prix élevé. C'est super, ça, j'aime ça, bonne nouvelle. Encore mieux que le Google, etc. Parlons des Jeux olympiques maintenant et on transitionne vers Twitter. Les sélectionnés australiens pour les Jeux olympiques 2012 sont avertis par leur comité olympique. L'utilisation de Twitter n'est pas interdite, mais elle est déconseillée pendant les compétitions car elle nuit à la concentration. Le problème a été mis en évidence lors d'un test olympique de plongeon où les concurrents gazouillaient pendant la compétition. C'est ce qu'expose le directeur des médias et de la communication du comité olympique australien dans le numéro de cette semaine de sa lettre d'information des Jeux olympiques de Londres. Les officiels du plongeon ont fait cesser l'utilisation des réseaux sociaux pendant cette compétition qui était aussi une épreuve de Coupe du Monde. Il fallait éliminer le risque d'une distraction nuisible aux performances. Le gars a précisé qu'il n'y a pas d'interdiction absolue. Les sélectionnés australiens sont toutefois invités à une utilisation responsable des réseaux sociaux et pendant le temps libre au village olympique et de façon conforme à l'esprit olympique. Donc, il ne faut pas tweeter dans n'importe quoi non plus. Hein. Ouais. Ensuite, transitionnons aux pirates d'Anonymous. Il y en a 25, en fait, qui ont été arrêtés. Oui, Interpol aurait mis en état d'arrestation 25 pirates appartenant au groupe Anonymous. L'opération Démasquer, Unmask, aurait été menée dans plusieurs villes en Europe et en Amérique latine. Selon Interpol, l'opération aurait commencé quelques temps après que des attaques coordonnées aient été lancées par des pirates en Espagne, en Colombie, en Argentine et au Chili. Interpol croit avoir lancé un message clair aux pirates qui sévissent sur le web, prouvant par cette opération que le web n'est pas un refuge pour ceux qui veulent mener des activités criminelles. Lors des arrestations, les policiers auraient saisi 250 pièces d'équipement informatique. L'agence France Presse souligne cependant qu'il n'est pas clair si l'opération a découvert des informations qui pourraient lier ces pirates à Anonymous. Du nombre des arrêtés, le pirate qui sévissait sous le pseudonyme de Thunder ou Paco Tron, les autorités le suspectent d'être à la tête du réseau informatique utilisé par Anonymous en Espagne et en Amérique latine. On dit que quelques heures après les arrestations, le site d'Interpol était inaccessible. Revanche, hein? Plusieurs comptes Twitter liés à Anonymous ont appelé à une attaque contre le site dans le cadre de l'opération Libertad Anon. Non, mais tu arrêtes pas Anonymous comme ça, puis tout va arrêter, là. Hein? Non, c'est juste 25 minutes. Ton site va arrêter, là. C'est ça. Microsoft dévoile un prototype d'interface mêlant transparence et détection de mouvement. Microsoft Applied Sciences Group vient de présenter un prototype d'interface mêlant 3D sans lunettes, détection de mouvement et écran transparent. Une combinaison qui laisse place à une interface très futuriste. Le système dévoilé par l'équipe de développement de Microsoft combine les capteurs désormais éprouvés du Kinect avec un écran OLED transparent développé par Samsung. La conception générale de l'ensemble a de quoi dérouter de prime abord puisque le clavier se situe derrière l'écran tandis que ce dernier est incliné vers l'arrière. L'utilisateur peut cependant voir son clavier à travers l'écran transparent qui, de son côté, affiche différents éléments en profondeur tout en orientant la perspective selon les mouvements du sujet. C'est quelque chose. Oh ouais, je vois la vidéo, là. Exact, sur assemblagerequis.com, la vidéo est là. C'est vraiment c'est génial. Intense. Et on pourrait tous utiliser ça là, très, très bientôt. Là. J'adore ça. L'utilisateur peut servir de la détection de mouvement pour interagir avec l'affichage de l'écran et ce, sans bouger ses mains derrière le clavier. Il peut, par exemple, faire le tri dans ses fichiers, déplacer des dossiers ou encore ouvrir des applications sans souris. Ce prototype offre une vision des recherches effectuées par Microsoft en matière d'interface et laisse penser que la détection de mouvement occupera une place de plus en plus importante dans les prochains projets de la firme. Moi, je trouve ça plus intéressant que la Microsoft Table. Là, comment ça s'appelle? Oh, ouais, j'ai vu l'espèce de table. C'est bien, ça. Oh, ouais. Mais c'est pas très convivial espace de travail. Alors que ça, Colin, tu joues dedans. Là. Ouais. Mais ça, écoute, je sais pas, hein, si tu passes 8 heures dessus. J'avoue. Yeah. Peut-être mal de tête, une crampe au cerveau. La tête doit tourner. C'est ça. Ouais. Ah, c'est trop le fun. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Dernière nouvelle maintenant dans ce bloc CNX. Plus de 1,2 million de PlayStation Vita vendus mondialement. Sony Computer Entertainment a annoncé aujourd'hui ou cette semaine avoir écoulé plus de 1,2 million d'unités de sa nouvelle PlayStation Vita dans le monde. C'était en date du 26 février. Donc ça, on parle de c'était quoi, dimanche? Le 26. Selon l'entreprise, la console qui a été lancée officiellement le 22 février, ça c'était mercredi passé, en Amérique, en Europe et dans les États PAL, donc surtout l'Europe, là. a surpassé les attentes en termes de vente en devenant la console la plus demandée du moment. Du côté des jeux vidéo, plus de 2 millions d'exemplaires en boîte et sur le PlayStation Network ou le Sony Entertainment Network ont trouvé preneur. D'après les données de Media Create, le 19 février dernier, environ 580 000 consoles avaient été vendues au Japon, ce qui laisse donc 620 000 PS Vita pour le lancement en Amérique et en Europe. Je cite le PDG de Sony Computer Entertainment qui dit « La PS Vita a été conçue pour offrir l'ultime expérience pour une console portable et nous ne pouvions être plus heureux de la réaction des consommateurs et du rythme auquel la PS Vita se vend. » Selon l'homme d'affaires, il y a une demande claire de la part du marché pour un appareil mobile capable d'offrir une combinaison révolutionnaire de jeux riches ainsi qu'une connectivité sociale. Pas fou, il y a de la place pour ça en masse. Son équipe travaille dur avec les développeurs tiers pour offrir un grand nombre de jeux et franchises de qualité pour leur nouvelle console. Notons que plus de 25 titres différents étaient offerts lors du lancement mondial et plus de 70 autres sont en développement. C'est ça qui est le fun avec la PS Vita, c'est vraiment la galerie de jeux de lancement et est incroyable. Il y en a pour tous les goûts, t'aimes les jeux de course, les jeux de plateforme, t'aimes les... Tu l'as-tu acheté, toi? Jeux de combat, ouais. Puis? Ouais, j'aime ça. J'ai pas beaucoup joué encore, pour vrai, parce que manque un petit peu de temps pour ça. Mais, et de jeux, pour l'instant aussi. Mais j'ai quand même commencé, j'ai commencé par Mod Nation Racers, jeu de course à la cartoon un peu. C'est comme style Mario Kart, mélangé avec un petit peu de Little Big Planet. C'est vraiment super bien fait. Pour la création de courses, entre autres, de pistes. J'ai aussi acheté, j'ai pas encore joué à Little Deviants, qui est le jeu qui montre le plus... Petit Déviant, c'est mon surnom d'ailleurs. Qui montre les capacités de la console. Donc, ça utilise vraiment l'écran d'en arrière, le touchpad d'en arrière de la console, celui d'en avant, les deux joysticks, le mouvement de la console. Donc, mais j'ai pas encore joué, j'ai très très hâte. Une fois que je vais avoir joué un petit peu plus, je vais pouvoir vous en parler, j'espère bien. Ici même dans CNX. Mais non, sinon, excellente console, super bien faite. L'interface est super facile à utiliser. La qualité de l'écran, on dirait un iPhone, mais en mieux encore, tellement c'est beau. C'est clair. Puis ça va vite? Ça va vite, ouais. Ça va très bien. Les temps de chargement, ça dépend des jeux, évidemment, parce que, par exemple, Mod Nation Racers, déjà sur la PS3, était reconnu comme étant un des jeux avec les temps de chargement les plus ridiculement longs. Là. C'est la même chose sur la Vita, c'est juste beaucoup trop long. Là. En dedans, à peu près une minute, genre, avant que tu puisses... 30 secondes, une minute avant de pouvoir courser, parce que il faut qu'il charge la piste. Mais je parlais avec d'autres propriétaires de PlayStation 3 et de PSP, entre autres... qui disait que ça dépend des jeux. Les jeux qui sont à air ouverte un petit peu, là, mettons sur là, on parle de la PS3, là, les jeux à air plus ouverte, ça se charge pendant que tu joues, donc ça paraît moins que tu as de chargement. Okay. Alors que Mod Nation Racers, vu que tu vas courser, il faut que tu choisisses ta course, il faut qu'il génère cette course-là. Donc c'est pour ça que le chargement est plus long entre les pistes. Voilà pour cette partie-là, c'est-à-dire les nouvelles. Il nous reste deux choses à faire. Il nous reste le tour du net et les nouveautés en magasin. Donc on va se dépêcher. C'est très rapide pour le tour du net. On commence avec les enfants de 1976. Comment ils imaginaient le futur? Donc les enfants des années 70 qui avaient l'air de penser pas mal que le futur, c'était un épisode des Jetsons. Donc on a trouvé leur dessin. Par exemple, Eduardo Del Villas de l'école John F. Kennedy High School et qui nous dessine une image de 2076 avec des gens qui dorment sur des nuages. Ça, c'est une très bonne idée. J'aime ça. Et tu pourrais aller en fusée voir des spectacles sur d'autres planètes. Donc, je trouve ça vraiment cute. Allez voir ça. C'est des jolies petites images de 1976 et on demandait de dessiner 2076. Évidemment, c'est pas comme dessiner. Mais aller voir 2012. Des spectacles dans l'espace, c'est pas bête. Là. Hier, tu parlais justement là, qu'il allait avoir un bar. Au Japon, ils voulaient construire un. Ah, ok, oui, mais qu'ils voulaient faire un bar Playboy exactement sur. Dans l'espace. Dans l'espace. Donc, on n'est pas rendu si loin que ça. Et les Japonais qui veulent faire un ascenseur qui va mener vers la Lune. Ben oui, ben ça. Oui. Voilà. Donc, allez voir. C'est ça. C'est une bonne idée. Tu trouves? bonne idée de rêver. Il faut rêver, sinon ça compliqué. Un ascenseur jusqu'à la lune. Ensuite, nouveau vidéoclip pour la pièce Heart de l'artiste Johnny Nguyen qui a attaché une caméra à son chien. Donc, je ne sais pas s'il l'a attaché dans le dos de son chien parce qu'on voit vraiment la tête de son chien. Donc, c'est vraiment un vidéoclip de 3 minutes musical que je ne fais pas jouer parce que ça me tente pas. Mais on voit le chien sortir dans la rue, se promener sur la cool, plage. Ouais. C'est vraiment très, très, très bien fait. Je me demande si c'est pas... pas truqué dans le sens où peut-être que son propriétaire suivait le chien et lui disait où aller. Ou si c'est vraiment genre, on a laissé le chien lousse puis il courait puis il revenait à la maison. Je sais pas. C'est dur à dire. Ouais. Donc, c'est un vidéoclip filmé par un chien. Et finalement, les sous-vêtements de Jeremy Lin, la vedette du basketball, des Knicks ou les Knicks, selon certains, apparemment. Mais les Knicks, donc, sont à vendre sur eBay. Sur eBay, François. Oh, ouais. Tu peux les acheter. Là, je veux voir le prix en ce moment, là, parce que là, sur la capture d'écran, on demandait 1 000 $ ou sinon 10 000 $ en Buy It Now. Ah non, il a été enlevé. Ah, ça, c'est pas fin. Il est plus, là. Ça a été vendu, j'imagine? Ben, peut-être. Vendu ou encore eBay n'accepte pas la vente de sous-vêtements usagés. En même temps. Parce que ça vient de quand tu étais à Harvard. T'sais, ça vient de. Donc, ils sont usés. Là. Ah. Ouais. Jeremy Lin. Que voulez-vous? Donc voilà pour ça. Il nous reste donc les nouveautés en magasin cette semaine. Allons-y rapidement. Sur PC, on trouve Syndicate, un jeu d'action qui est aussi disponible sur Xbox et PS3. Thousand Amps, qui est un jeu de puzzle. Pickers, qui est un autre puzzle avec des objets cachés. Wargame European Escalation, un jeu de stratégie en temps réel basé sur l'histoire. Really Big Sky, un shooter. Ensuite, sur Xbox 360, on retrouve Azure's Wrath. C'est toujours dur à dire, je savais que je me tromperais dessus. Azure's Wrath. C'est un jeu de science-fiction aussi sur PS3. Sur Xbox Live Arcade, en ligne seulement, on retrouve Alan Wake, American Nightmare, un jeu d'action-aventure. Sur la Sony PS Vita, Army Corps of Hell, un jeu de stratégie en temps réel. Dynasty Warriors Next, un beat-em-up. Ninja Gaiden Sigma, un jeu d'action-aventure fantastique. Shinobido 2 Revenge of Zen, un jeu d'action-aventure. Et Touch My Katamari, un jeu d'action, là on dit action, mais c'est l'affaire où t'as une grosse boule entre les mains, une petite balle. Tu dois la faire tourner sur des objets pour prendre de plus en plus d'ampleur. Apparemment que c'est super bon, mais apparemment que c'est très, très, très, très similaire et qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport aux autres Katamari, donc j'attends que le prix descende pour me le procurer. Sur le Sony Entertainment Network de la PS Vita, on trouve Plants vs. Zombies, le petit puzzle là, que les matantes aiment beaucoup sur Facebook. Là. C'est un jeu de stratégie. Et Mutant Blobs Attack, un platformer en 2D. Sur la Nintendo 3DS, Metal Gear Solid Snake Eater 3D, jeu d'action d'aventure. Et sur le eShop, en ligne seulement, Dylan's Rolling Western, c'est un jeu d'action. J'ai sauté par-dessus quelques jeux PSP, entre autres. Vous pouvez voir la liste complète sur assemblagerequis.com, mais je me dis que les jeux en ligne, c'est la PSP. On peut passer à la prochaine génération. On peut attendre un peu. On peut. Ou encore ne pas se les procurer du tout. Là. Attendez qu'ils sortent sur la Vita. Voilà pour CNX, on se quitte en chiptune. On va entendre l'artiste Apterus. Apterus. Apterus. Et c'est du chiptune jazzy avec un petit peu de piano là-dedans. Voici Realm of Mine, Mind, en parenthèse, Dawn on Moon. Hey, sois pas vulgaire, ça, là. Bravo!